d'un gosse d'âne. Frémissante et parfumée, toi tu sais où les trouver. Lady va du dancing, Lady va du dancing, les seuls et du mambo, celle qu'on ne verra jamais dans les discos. Les fans du saxo, les fêlés du passo, celle qui pense encore au temps du Mikado. Lady va du dancing, Lady va du dancing. Danse, entends-tu leur désir murmurer? Encore autant du Mikado, oh, oh, oh.